نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue, on poursuit بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل le tafsir, l'explication de cette surah, surah Al-Waqi'ah, donc la surah, l'événement. Et on s'est arrêté le dernier cours, donc c'est le troisième cours inshallah ta'ala et le dernier cours pour ce qui est de l'explication de cette surah. On s'est arrêté le dernier cours au verset numéro 63 et celui qui a suivi 64. Wallah Azza wa Jalla yaqul Afara'aytum ma tahruthun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Donc on avait expliqué ces deux versets et on avait donné une faïda par rapport au terme زارع ou le verbe زرع. Ensuite يقول الله سبحانه وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Donc si nous voulions, لو نشاء لجعلناه حطاما. إيش معنى حطاما؟ Ce terme-là veut dire tout simplement le fait de rendre fané, sec, donc quelque chose qui va devenir fané, qui va devenir sec. Donc ici, la culture, lorsque, à titre d'exemple, le blé devient sec, il devient fané, ou alors l'herbe, etc. Donc à ce moment-là, il n'y a plus aucun bénéfice pour celui qui a labouré. Donc ça ne sert plus à rien. Tout ce qu'il a fait part en vain. Donc Allah Azza wa Jal, s'il veut, il fait ainsi. Là où nasha'u لَجْعَلْنَا وَحُطَامَ. Donc ici il nous rappelle cette ni'ma d'Allah Azza wa Jal lorsque la culture pousse comme il faut et qu'Allah Azza wa Jal donc il est celui qui va préserver cette culture et qu'ensuite elle va donner ses fruits, elle va donner ses légumes, etc. Ça c'est mes ni'matillah Azza wa Jal. Et on a vu que dans les versets qui ont précédé jusqu'à maintenant, Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala il nous rappelle sa ni'ma, il nous rappelle cette ni'ma, ce bienfait qu'il a fait descendre sur nous. Tout ce que l'on peut trouver dans cette vie d'ici-bas pour notre pur bénéfice et dont on en profite jour après jour. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle cela afin que de par le shukr, donc de par la reconnaissance, cette reconnaissance qui va se traduire par l'ibada, par l'adoration d'Allah Azza wa Jalla en étant reconnaissant envers lui subhanahu. Fadaltum tafakkahun. Donc si cela arrivait, si on transformerait cette culture en produit fané et sec, quel serait le résultat de votre réaction? فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. تَفَكَّهُونَ, ce terme-là, dont les salafs l'ont expliqué, certains ont dit تَعْجَبُونَ, comme Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, تَعْجَبُونَ, c'est-à-dire que vous serez étonné de cela. أَوْ بَعْضُهُمْ قَالُوا, certains ont dit تَحْزُنُونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ مِنْ زَرْعِكُمْ, c'est-à-dire que vous allez être triste, attristé de ce que vous avez perdu par rapport à votre culture. Wa'u tandamun, c'est-à-dire vous regretterez. Donc ça, c'est les différents sens qu'ils ont été donnés pour ce qui est du terme et du verbe tafakkahun. Sachant que ce verbe-là, il a deux sens qui sont en eux-mêmes opposés. Ce qu'on appelle en langue arabe al-abdad, qui vient du terme dit, al-abdad. C'est-à-dire qu'il peut avoir un sens qui est complètement contraire à l'autre sens. Qui a en fait deux sens et que ces deux sens sont entre eux opposés. Ça, c'est marna al-abdad. Et ici, pour ce qui est du verbe donc ici conjugué tafakkahun, de même on retrouve où il rentre dans cette catégorie dans la langue arabe, donc on peut dire comme signification tana'amtum, c'est-à-dire jouir donc de bienfaits, ou le contraire hazantum, yani vous êtes attristé. Donc tana'amtum wa hazantum, ces deux termes peuvent être la signification du terme tafakkahun. Tayyib, donc on voit que c'est deux contraires, et ça on a beaucoup de termes et de verbes dans la langue arabe qui rentrent dans cette catégorie, et ce qu'on appelle abdad, et qui ont donc deux sens et qui sont entre eux opposés, comme c'est le cas ici. Bien entendu, ici c'est pour ce qui est du domaine de al-huzn ou al-ajab ou al-nadam, comme l'a expliqué le salaf. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون إنا لمغرمون. Certains ont dit ملقون للشر, c'est-à-dire qu'on doit faire face au mal et au malheur qui nous a atteint ici. Et d'autres ont dit comme l'imam al-Qatada, لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح, c'est-à-dire quoi, il n'y a pas de bien en notre possession qui reste stable, qui va être pérennisé et qui n'apporte aucun bénéfice, dont on ne peut en tirer aucun bénéfice. Ça c'est bimarna inna la mughramun bal nahnu mahrumun bal nahnu mahrumun, exposé aux privations, c'est-à-dire ici marna la hadda lana, c'est-à-dire donc que nous avons point de part, aucune part, donc ici privé. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, donc il va nous rappeler également cette ni'ma, après nous avoir rappelé la ni'ma de la culture et des fruits et des légumes qu'on va en tirer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle ici ni'matul ma, ni'matul ma, c'est-à-dire donc le bienfait de l'eau. Et comment le jeûneur, il va sentir cette ni'ma après une journée de chaleur, une journée où il a transpiré, où il s'est fatigué. Et lorsqu'il vient l'heure du futur, à l'iftar, et qu'il prend donc ce verre d'eau et qu'il le boit, il sent toute cette ni'ma, une ni'ma la nafilala, c'est-à-dire une ni'ma qui n'a pas d'équivalent, simplement al-ma, simplement cette eau-là. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, voyez-vous donc l'eau que vous buvez. A'antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun, donc est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage. Ici ma'na al-muzn, al-muzn ma'na as-sahab, en langue arabe ma'na al-muzn ma'na as-sahab, qui est le nuage. Donc Allah Azza wa Jalla il nous dit, est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? A'antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun, ou c'est nous qui avons fait donc descendre du nuage cette eau-là. لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون. Donc également, comme il a fait Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rappeler les biens de la culture et comme elle nous parvient ses fruits et ses légumes, et qu'ensuite il a dit s'il voulait subhanahu wa ta'ala, il pourrait placer cela donc comme étant sec, comme étant fané pour ce qui était donc de la culture. Ici de même pour ce qui est de l'eau. لو نشاء جعلناه أجاجا معنى أجاجا أجاجا معنى زعاقة زُعَاقَ مُرَّةَ لَا يَسْلُعْ لِشُرْ وَلَا لِزَّرْ, c'est-à-dire donc une eau qui va être fade, qui va être amère, une eau qui va être salée, dont on ne peut boire et dont on ne peut utiliser pour zar, c'est-à-dire pour la culture, donc quelque chose qui est inconsommable. Allah Azza wa Jalla, s'il a voulu, il a rendu cette eau de telle sorte, subhana, fade, amère, salée, ça c'est زُعَاقًا مُرَّةً, c'est ma'na أُجَاجًا, et son contraire, donc celle que l'on boit et celle qui descend, donc, que l'on retrouve dans la source, etc., c'est l'eau qu'on appelle azb, azb, qui a un goût qui est savoureux, une eau qui est douce, donc qu'on peut consommer, qu'on peut boire sans problème. Ça, c'est al-ma al-azb. Et le contraire, donc, c'est cette ma, que l'on appelle ujaj. Al-ma al-ujaj, yani, comme dans le verset du Coran, لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous demande ensuite, de par cette phrase, فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ, pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Ashuk. Et on sait que, comme on l'a dit auparavant, Allah Azza wa Jalla nous rappelle tous ses bienfaits, c'est pour nous rappeler que l'on doit être shakiran lillah Azza wa Jalla et lui vouer un culte exclusif. Mukhlisan fi ibadatina. Et ashuk, ce terme donc ashuk que l'on retrouve dans le Coran, que ce soit donc à la forme verbale comme ici, falaw la tashkurun. Et il faut savoir que ashuk, on veut par ce terme-là, et on va l'annexer soit au bienfait en lui-même, c'est-à-dire al-ni'ma, ou soit au bienfaiteur, celui donc qui est l'auteur de ce bienfait, ce qu'on appelle al-mun'im. Donc soit al-ni'ma, on va l'annexer al-ni'ma, donc au bienfait, ou soit à celui qui en est l'auteur, al-mun'im, le bienfaiteur. Et pour ce qui est du premier, on retrouve beaucoup donc dans le Coran, comme il dit subhanahu wa ta'ala, ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها أن أشكر نعمتك, donc que je sois reconnaissant par rapport au bienfait, à ton bienfait que tu m'as donné, dont tu m'as fait jouir. أن أشكر نعمتك. Et donc lorsque c'est un ni'ma, lorsque le terme ni'ma il va précéder le verbe أشكر, il n'y aura pas ici de particule qui va précéder. طيب, donc on dit directement, on sait directement après le verbe le terme ni'ma, ashkura ni'matak. Par contre, si c'est par rapport au bienfaiteur, lorsqu'on dit nashkuru lahu, yani nashkuru lillah, alors ici ça va être précédé du lam. Ça c'est un procédé que l'on retrouve dans le Coran tout le temps. Lorsque dans le Coran on retrouve le shouk et qui va venir après le shouk, le bienfaiteur, c'est-à-dire al-mun'im, en l'occurrence ici bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il va être donc précédé lafdhul jalala billam, nashkur la, nashkur la ou nashkur lillah, comme dans le verset du Coran washkur li wali walidayka, washkur li wali walidayka. Et ça c'est partout dans le Coran, comme la parole d'Allah azza wa jalla également, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Donc on voit que quand c'est le bienfaiteur, tout le temps il vient le lam qui vient précéder donc celui qui est l'auteur du bienfait, donc avec le lam. Et quand c'est directement al-ni'ma, le bienfait, c'est sans lam, c'est directement. Tayyib, ça c'est une faïda par rapport à la loi. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, après l'eau, il nous rappelle le feu. Il nous rappelle le feu. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. Ne voyez-vous donc pas le feu? Donc, ma'na allati tourun, ma'na tuqidun. Ma'na tuqidun. Comme l'ont rappelé la plupart des savants. Ma'na tuqidun. C'est-à-dire donc, le feu que vous allumez, que vous attisez, que vous animez, ou que vous allumez. Tuqidun. Ça, c'est ma'na tourun. Donc, afara'aytumul nar allati tourun. Donc, ne voyez-vous donc pas le feu que vous allumez, que vous animez. Et, subhanahu wa ta'ala, ici, il va nous rappeler à partir du feu, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et on va voir également dans un verset qui va venir expliquer donc ce terme Tourun, et qui va venir également expliquer ce verset, donc ici tafsir le Coran, bil Coran, qui fait surat Yasin. Wallah azza wa jalla yaqul qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marra. C'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de ceux qui vont demander par rapport à l'Khalq, par rapport à la création. Qui va donc, comment va être ressuscité cette création? Allah Azza wa Jalla dit, il répond, dit, et donc il va la faire revivre, il va la ressusciter, donc cette création, celui qui l'a créée la première fois. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Et il est donc, par rapport à chaque création, bien instruit, bien savant, subhanahu wa ta'ala. الَّذِي جَعْلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَارِ نَارًا. Celui donc qui a placé parmi l'arbre vert, alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar naran fa idha antum minhum tuqidun, fa idha antum minhu tuqidun. Donc معنى ici tuqidun et donc معنى turun, qui sont ici donc deux synonymes. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar naran. Donc qui a placé à partir de l'arbre vert le feu. Fa idha antum minhu tuqidun. Et donc, à la suite du verset ici, أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez créé son arbre? Ou en sommes-nous le créateur? Celui donc qui l'a créé du néant. أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. Et الشَّجَرَة ici, comme nous le rappellent les savants, il dit ça revient à deux arbres qui étaient connus des Arabes et à partir duquel on fabriquait du feu facilement. Qui s'appelle Al-Mar. Al-Marhu. Le deuxième arbre qui s'appelle Al-Affar, Al-Affar. Et donc pour ce qui est du premier, c'est un arbre qui est facilement enflammable. Et pour ce qui est du deuxième, c'est un arbuste à partir duquel on va fabriquer des briquets, etc. Al-Marhu ou Al-Affar. Et ce que faisait donc, ce qui est une pratique connue chez les Arabes, c'est qu'ils prenaient deux branches des deux et ils les frottaient entre eux. Par frottement donc, venait donc le feu. Ici Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle cette ni'ma qu'il leur a donnée à travers donc cet arbre là et que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, personne d'autre, et qu'à partir de lui il est venu donc le feu que vous utilisez et dont vous en tirez main de profit. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'a lil muqwin, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'a lil muqwin, c'est-à-dire nous avons fait un rappel bien entendu de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Dans ce verset, نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً. Donc تَذْكِرَةً qui est le rappel. Et le rappel par rapport donc au feu de l'enfer. Ayyadan billah. Sachant que le prophète sur scène nous a informé que ce feu, que le feu de l'enfer était 70 fois plus puissant et plus ardent que le feu de cette dunya. Donc ici c'est un rappel pour nous. Lorsqu'il nous dit Allah Azza wa Jalla, nahnu ja'alnaha tadhkira. Lorsque ce feu on le voit, et lorsqu'il nous brûle, lorsqu'on se brûle par accident, on se rappelle donc ce que va être le châtiment du feu. Ceux qui vont rentrer dans l'enfer, ayyadan billah. Sachant que ce feu n'est qu'une partie, ou n'est qu'une faible puissance qu'aura le feu, finnar, c'est-à-dire dans l'enfer. Donc ici c'est bel et bien un rappel qu'Allah Azza wa Jalla nous fait par rapport à cela. Wa mata'a lil muqwin. Et également, ici donc deux faïdas, deux bénéfices qui nous sont rappelés, deux sagesses de cette création. Donc tafkira et le deuxième, wa mata'a lil muqwin. Mata'an qui veut dire donc manfa'a, bima'na manfa'a, qui est l'utilité, qui est le bénéfice. Lil muqwin. Lil muqwin, ce terme vient du terme al-qiwa. Al-qiwa'u min al-ard, qui est en réalité le khala ou al-fala. C'est tout simplement un endroit qui est vide, un endroit qui est désertique et un endroit qui est éloigné. Donc la personne, lorsqu'elle voyage et que lorsqu'elle traverse ces endroits désertiques, ces endroits vides, qui sont nommés ici al-qiwa, automatiquement il va trouver une grande utilité lorsqu'il a la présence du feu, à partir de cette source. Quelque chose qui est très bénéfique pour lui. Donc c'est pour celui, bien entendu, qui voyage. Mais ça, yashmel, c'est-à-dire ça englobe également celui qui n'est pas voyageur, c'est-à-dire tous ceux qui sont présents dans cette vie d'ici-bas, tous les gens qui utilisent donc le feu, qu'ils soient voyageurs ou non, ils ont maintes et maintes donc profits et bénéfices. Ensuite, subhanahu wa ta'ala yaqul, fasabbih bismi rabbikal azim, glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Ensuite, subhanahu wa ta'ala yaqul, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Pour ce qui est donc du tafsir de ce verset, il y a ikhtilaf des savants, c'est-à-dire une divergence entre les savants. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Et bien entendu, ici qasam, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il va jurer. Et on sait qu'Allah Azza wa Jalla, il jure par ses créatures. Pour ce qui est de la première parole, certains savants ont dit, et ça c'est Ikhtiar ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin, an al-murad bin nujum al-kawakib, al-nujub bima'na al-kawakib, c'est-à-dire donc les planètes, ou al-murad bimawaqi'na tulu'uha wa ghurubuha, c'est-à-dire donc al-mawaqi' ici, c'est-à-dire l'emplacement des planètes, et lorsqu'elles apparaissent, et lorsqu'elles disparaissent, al-tulu' ou al-ghurub, etc. Donc, ici, comme ils l'ont traduit, non, je jure par la position des étoiles. Et ici, donc, al-kawakib, des planètes dans le firmament. Ça, c'est un des tafsirs qui était donné par les savants. Et l'autre tafsir, c'est ceux qui ont dit, ici, murad al-nujum, nujum al-Qur'an. Car on sait que le Qur'an, il est descendu totalement en une fois, Laylatul Qadr, donc la nuit de la prédestination. Min as-sama' al-'ulya ila as-sama' ad-dunya. Donc du plus haut des cieux au plus bas des cieux. Sama' ad-dunya, donc le ciel de cette vie d'ici-bas. Et une fois qu'il est descendu, donc totalement et en une seule fois, de ce ciel, il est descendu ensuite fi hadhihi ad-dunya, c'est-à-dire sur la terre, munajjaman. Munajjaman bima'na mufarraqan. Il est descendu donc scindé, par fraction. Il était donc divisé pour ce qui est donc de sa descente. C'est-à-dire que les versets sont descendus au fur et à mesure, et pas d'un coup. Ça c'est ma'na munajjaman. Et c'est ce qu'on appelle donc ici Nujum al-Qur'an. C'est dans ce sens-là. Tayyib. Donc ça, c'est deux avis des savants. Ceux qui ont dit c'est par rapport au Qur'an, et ceux qui ont dit donc c'est par rapport al-Kawakib. Et bien entendu, pour ce qui est de al-Muqassam alayh, c'est-à-dire lorsqu'on jure, lorsqu'on prête serment, lorsqu'on jure, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est le cas de la créature, elle juge par rapport à une chose. Et ça, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle Muqassam alayh, par rapport à cette chose-là, sur laquelle on a fait un serment, ou alors pour laquelle on a fait un serment, l'objet pour lequel on fait un serment, ce qu'on appelle Muqassam alayh. Et ici c'est al-Qur'an, al-Qur'an. Donc c'est par rapport au verset ou par rapport au Coran lui-même, parce qu'on va voir donc à la suite du verset, Allah Azza wa Jal il nous dit innahu la Qur'anun karim, innahu la Qur'anun karim. Et c'est pour ça donc que certains savants ils ont dit que c'est qasam bil Qur'an ala al Qur'an. Et bien entendu, pour ce qui est donc de cette parole-là, c'est-à-dire la deuxième, on va comprendre que ma'na nujum, le fait que le Coran il est descendu donc à plusieurs moments dans cette vie d'ici-bas. Ça, c'est al-ma'na thaniya. Pour ceux qui ont dit que c'était ma'na al-kawakib wa al-nujum, c'est-à-dire donc leur position, et on a dit qu'il y a l'ikhtiyar ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, on va voir qu'il y a ici munasaba pour ce qui était l'objet du serment et sur lequel on a juré. Donc ici al-Qur'an wa al-nujum pour ce qui est donc de cet avis-là. Al-wajh al-awwal pour ce qui est donc du premier aspect, c'est qu'un nujum yuhtada biha fi dhulumat al-barr wa al-bahr, c'est-à-dire donc que de par un nujum, et ça c'est une des fonctions des nujum, c'est-à-dire des étoiles dont Allah Azza wa Jalla nous a fait part également dans son Coran, c'est qu'on va pouvoir donc se guider à travers leur position dans les ténèbres de la nuit, que l'on soit donc sur cette terre-là ou alors sur la mer. Et donc ici hidayatun hissiya, hidayatun hissiya, c'est une guidance qui est palpable, que l'on voit réellement de par nos yeux lorsqu'on regarde donc la position des étoiles et par lesquelles on peut se déplacer et se guider sur cette terre ou sur cette mer. Et ici al-munasaba, c'est qu'al Qur'an également yuhtada biha fi dhulumat, c'est-à-dire donc qu'on va le prendre comme guide dans les ténèbres de cette vie d'ici-bas, les ténèbres de al-ghay, al-jahl, les ténèbres donc du mauvais chemin, les ténèbres de l'ignorance. Donc de par le Qur'an qui est une guidance pour nous et par lequel on va se guider. Ici donc hidayatun ma'nawiyya, hidayatun ma'nawiyya, donc c'est bel et bien une guidance, mais une guidance qui n'est pas concrète, que l'on ne voit pas de par nos yeux, comme c'est le cas donc de An-Nujum, mais c'est bel et bien une guidance qui nous guide dans cette vie d'ici-bas. Donc on voit ici la relation qu'il y a entre les deux, entre An-Nujum et le Coran ici. Également Al-Wajh Thani, An-Nujum Zinatul Zahira, c'est qu'An-Nujum elles ont été placées, comme également le Coran nous en a fait part, comme étant un embellissement de ce ciel-là. Donc c'est Zinatul Zahira, c'est un embellissement et une beauté qui est extérieure. Par contre le Coran, de par Al-Ma'ani, de par donc ce qu'il comporte de sens, etc., zinatun batina. Lui, le Coran, c'est en réalité un embellissement qui va embellir nos cœurs et qui est donc ici un embellissement batina, qui est lui donc caché. Donc ça, c'est le wajh thani, bain al-nujum al-Qur'an. Également, al-wajh thalif, an-nujum rujuman li-shayatin. Yani, que al-nujum elles font fuir al-shayatin et elles ont cette fonction là lorsqu'on voit donc les étoiles filantes, on sait donc qu'elles poursuivent un shaytan qui a voulu venir écouter donc aux portes du ciel. Ça c'est une des fonctions également de al-nujum. Pour ce qui est de le Coran également, le Coran il fait fuir al-shayatin min al-ins wal-jin. Lorsque le Coran il est lu, il fait fuir al-shayatin, les djabs de parmi les hommes et de parmi les djinns. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de lire le Coran chez soi, ou alors de mettre le Coran chez soi, de réciter le Coran souvent, afin de faire partir les shayatin. Donc on voit également ainsi la relation entre les deux, Nujum et le Coran. Et également, al-wajh al-rabi' al-akhir, ayat mashhuda, ayniya, ce sont donc des versets, ou plutôt des signes, dans le sens ayat, ici dans le sens des signes, que l'on peut voir, que l'on peut apercevoir de par nos yeux, ayniya. Par contre, pour ce qui est du Coran, ayatun sam'iyya, ce sont donc des versets qui sont, que l'on entend, qui sont récités et que l'on entend de par nos oreilles. Donc ce sont également donc ici des signes de la part d'Allah Azza wa Jalla. Ça donc c'est pour ce qui est de la relation entre An-Nujum et le Coran, pour ceux qui ont été de l'avis comme Ibn Jarir, qui ont dit qu'ici An-Nujum ma'na al-kawakib. Et si on regarde la suite du verset, Fala uqsimu bimawaqi'il nujum. Et bien entendu ici, Fala, dans le sens où Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a juré par cela et que l'objet de ce serment c'est le Coran, c'est pour renier que le Coran soit une parole d'un être humain, ou que le Coran soit du sihr, de la sorcellerie, ou alors kahana soit la parole d'un devin, ou alors que ce soit du shi'a, que ce soit donc de la poésie. Donc Allah Azza wa Jal, il jure par cela. Il jure donc bi mawaqi' an-nujum, pour renier donc que le Coran il soit de cette catégorie là mais il est bel et bien la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite c'est pour ça qu'il dit wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, et c'est vraiment un serment solennel, c'est-à-dire 'azim, qui est immense si vous saviez. Et c'est pour ça donc que certains savants ils ont dit que tout qasam, c'est-à-dire tout serment, Allah Azza wa Jal dans le Coran à chaque fois il va juré par des choses qui sont grandes dans le Coran, parmi ses créatures. Donc ici, lorsqu'il nous rappelle, il faut donc que ce soit encore plus grand de ce qui a précédé sur les choses par lesquelles Allah Azza wa Jalla a juré dans le Coran. C'est pour ça, donc, certains ils ont pris également ce verset comme preuve pour dire que ici, le Qasam, et bimarna mawar, et al-Nujum, ça concernait bien donc le Coran. Et plus précisément, donc, les moments où le Coran il est descendu. C'est-à-dire les différents moments où il est descendu. Scindé dans cette vie d'ici-bas. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Et c'est certainement donc un Coran noble. Donc ici la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a juré. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. Dans un livre donc bien gardé. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ. Que seuls les purifiés touchent. Ici, الْمُطَّهَّرُونَ وَفِي سِيَاقِ الْآيَةِ بِمَعْنَا الْمَلَائِكَ. Ce sont donc les anges des cieux, lorsqu'ils touchent ce Coran, ils le touchent et ils sont en état de purification. لَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Et ici لَا يَمُسُّهُ اللَّهِ, ici donc le la, c'est pas un na, c'est pas le la nahiya, celui donc qui va interdire, la nahiya, mais c'est la nafiya. Donc ici cette jumla, jumlatun khabariya, ya jumlatun khabariya, c'est donc une phrase qui a comme caractéristique l'information, qui est donc citée à titre d'information. Donc ici la nafiya, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla yanfi, c'est-à-dire qu'il dénie que ce Coran il soit touché, sauf donc par al-mutahharun, ceux qui sont purifiés. Et ici ce sont les anges. Donc ça n'a rien à voir avec le la an-nahiya. Si on aurait dit la an-nahiya, ça voudrait dire celui donc al-yaqtari al-talab taklif, celui donc qui va impliquer une demande au niveau du char, et qui va donc interdire que l'on touche cela, que l'on donc qu'on touche ce Coran, sauf si on est en état de pureté. Tayyib. Donc ici on voit bien que le la c'est pas an-nahiya, mais il est bien an-nafiya. Taïb donc al-jumlatun khabariya. Ce verset, certains savants ont divergé. Ils ont pris en compte ce verset donc pour dire que la personne elle n'a le droit de toucher le Coran, c'est-à-dire bien entendu le mushaf, et de lire dans le mushaf et de le toucher que lorsque elle est en état de pureté, que ce soit la pureté majeure et mineure. Ils ont pris donc ce verset comme preuve. Mais comme on a dit ici, c'est simplement une information par rapport, on a dit al-mutahharun ici bimarna al-malaika. Donc c'est simplement une information qui est donnée. Et donc, ça nous donne pas, on va dire directement un hukm shari, c'est-à-dire donc une loi législative, ou un statut législatif par rapport donc au fait de toucher al-mushaf. Pour finir ce verset, que certains savants manquent, وهذا كلام جمهور العلماء parmi l'imam Malik et d'autres encore rahmatullah ala jami', ils ont vu donc que la personne n'avait pas le droit de toucher le Coran et d'utiliser le mushaf donc sauf en cas de pureté. Donc c'est l'impureté, soit de la grande impureté ou de la petite impureté, al janaba ou al hadath al asghar, la yajuz lahu an yamassa al Coran. Tayyib. Et eux ils vont prendre comme preuve le verset du Coran. On a vu que le verset du Coran en lui-même, ce n'est pas une preuve. Parce que là, on a, la yamussu illa al-mutahharun, c'est simplement un khabar, une information qui est donnée. C'est simplement donc une information qui est donnée. Et le la ici, c'est la an-nafiya, la an-nahiya. Ce n'est pas donc le la An-nahiya, celui donc qui va interdire. Qui va interdire une chose. Mais simplement une information qui est donnée de l'état des gens du ciel, qui sont ici al-malaïka, lorsqu'ils touchent le Qur'an. Et qu'ils le touchent simplement en état de purification. Ils sont eux, d'ailleurs tout le temps en purification, pour ce qui est de al-malaïka. Mais certains savants ont dit, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que ici, al-wajd dalala, wajd istidlal, l'esabit tasriyah, ou la kinbilishara. Et ce n'est pas explicitement qu'Allah azawajal nous prouve que ceux qui doivent toucher le Qur'an, ils sont uniquement en état de pureté. Mais c'est pile ishara, c'est-à-dire par indication. Car si les gens des cieux, eux, ils touchent le Qur'an alors qu'ils sont uniquement en état de purification, alors il en va de même pour ce qui est des gens de cette dunya, des gens de cette terre, ceux qui vivent sur la terre, les humains. Taïb. Donc c'est à titre d'indication, mais ce n'est pas tasriha. Mais une preuve qui va être plus forte que cela, que le verset du Coran en lui-même, c'est le hadith qui est apporté par l'imam Ad-Darqutni, hadith Amr ibn Hazm, radiallahu ta'ala an, il nous rapporte ce que le prophète sallam a écrit aux gens du Yémen, et il a dit donc, dans les informations et dans les recommandations qu'il leur a données aux gens du Yémen, le prophète sallam, la yamoussu Coran illa tahir, c'est-à-dire que le Coran ne peut être touché que par une personne qui est, ici le terme tahir, qui est donc purifié, une personne qui est purifiée. Ils ont pris comme preuve ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la preuve qui est la plus explicite, contrairement donc au Coran, que l'on peut prendre comme preuve, mais simplement à titre d'indication, comme l'a rappelé Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. À la kulli hal, pour ce qui est de cette question-là, c'est un grand ikhtilaf entre les savants. Est-ce que l'on doit être pur pour toucher, pour lire le Coran et pour toucher le Coran, pour ce qui est de al-hadath al-asrar? Pour ce qui est de l'hadath al-asrar, c'est-à-dire l'état d'impureté mineure. Et certains savants qui ont dit non, c'est-à-dire même en étant en impureté mineure, on peut toucher le Coran. Ils ont soit rapporté que le hadith il était da'if, celui qu'on a cité, sachant que plusieurs savants l'ont rendu authentique, parmi eux Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh, ou alors d'autres, ils ont expliqué que le terme at-tahir, ça veut dire al-muslim, marna al-muslim. Il a mis le Coran, il a muslim. À la kulli hal, pour ce qui est de cette question-là, il y a divergence entre les savants. Et l'irtilaf, qawi. Mais la personne, le musulman, yahtat. C'est-à-dire que, à tout moment, il devra s'efforcer, lorsqu'il touche le Coran, lorsqu'il lit le Coran, le mushaf, d'être en état de pureté. À la wajh al-akmal. C'est-à-dire donc, en état le plus pur possible. Et le meilleur des états. Qui est bien entendu ici, en état de purification. Ça, c'est ce qui est demandé donc, au musulman, al-muslim al-taqi, le musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a qu'il subhanahu wa ta'ala, tanzilum min rabbil alamin. Tanzilum min rabbil alamin. Donc, c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Donc, ici, Allah azza wa jalla nous fait part que ce livre-là, c'est bien la parole d'Allah et qu'il avait été descendu de la part du Seigneur de l'univers et que ce n'est pas donc une poésie, que ce n'est pas une sorcellerie. أَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ أَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ C'est-à-dire مُدْهِنُونَ بِمَعْنَى مُكَذِّبُونَ غَيْرُ مُصَدِّقِينَ C'est-à-dire, est-ce que ce discours-là que vous traitez donc de mensonge, مُكَذِّبُونَ مُدْهِنُونَ donc مُكَذِّبُونَ c'est le sens du verset أَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنكم تكذبون. Et est-ce que pour vous donc une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم donc ici à risk, les savants ils ont divergé par rapport à la signification du terme risk. Certains ils ont dit ashuk, c'est-à-dire donc la reconnaissance. Donc le sens comme ça a été traduit. Et est-ce que pour vous une façon d'être reconnaissant? Donc un risque, marna, ashuk. Et d'autres savants, ils ont dit un risque bimarna al-matar, c'est-à-dire donc la pluie. Et ils vont faire ici référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que c'est la parole forte par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque des personnes, ils ont dit turna binouni hada ou hada, c'est-à-dire on a été où la pluie est tombée grâce à telle planète, Anno donc, comme l'ont dit certains savants, Ibara an manazil al-qamar, c'est-à-dire sur les positions de al-qamar, ala kulli hal, ala hasab irtilaf finno, qalu mutirna binno et kada wa kada, fa هم نسبوا المطر إلى الأنواء, c'est-à-dire donc cette pluie là, ils ont dit que c'était grâce à l'apparition de certaines des planètes ou de certaines des étoiles. Donc ici, ça a bien été du kufr dans leurs paroles. Et c'est pour ça que les savants nous ont dit risque marna ici al-matar wa annakum tukadhibun, c'est-à-dire tukadhibun, c'est-à-dire que vous allez rendre de mensonge que cette ni'ma là, cette matar, ça vient bel et bien d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est dans ce sens. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Et dans l'autre sens, donc ceux qui ont dit que c'était ash-shukr, c'est-à-dire donc c'est de cette façon que vous êtes reconnaissant lorsque vous, donc ici minbab bien entendu, at-tawbih, lorsque vous démentez les paroles d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire donc ce Coran, ce tanzil de la part du Seigneur des mondes. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Ensuite Allah Azza wa Jalla, il nous parle par rapport donc à la mort. الْحُلْقُومِ بِمَعْنَ الْحَقِّ, c'est-à-dire donc la gorge. Lorsque ici, bien entendu, il est fait allusion à quoi? À الروح. الروح, c'est-à-dire donc l'âme de la personne. Lorsque cette âme arrive jusqu'à la gorge, au moment donc où la mort nous vient, au moment où elle sort de notre corps. C'est-à-dire que vous qui êtes auprès du mort, ceux qui sont auprès du mort, autour du mort, vous êtes en train de le regarder. Vous êtes en train de regarder agoniser, sans que vous voyez bien entendu l'âme qui va sortir. Donc vous ne voyez pas. Et nous sommes plus proches de lui. Et bien entendu ici, et comme on l'a expliqué lorsqu'on avait donné l'explication du livre Al-Qawaid al-Mufla de Charles Othaymin rahmatullah alayh, on avait expliqué que ma'na wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, c'était bima'na al-mala'ika, bima'na al-mala'ika. On a donné l'explication et on a détaillé dans cela, on n'y revient pas inshallah. Ça c'était dans les exemples qu'on avait donné à partir des attributs d'Allah Azza wa Jalla, plus précisément dans ce que les gens de l'innovation ils avaient faussement attribué aux gens de Al-Sunnah, lorsqu'ils avaient dit qu'ils avaient fait preuve de ta'wil, c'est-à-dire d'interprétation, mais dans le sens une interprétation qui est faussée, taïb, alors que le shir, rahimallah, il avait expliqué et détaillé qu'ici c'était bel et bien ma'na al-mala'ika, et il avait expliqué cela à partir des versets du Coran, et que c'était bien zahir al-aya, que c'était bien l'apparence du verset du Coran, et ce n'était pas donc une fausse interprétation qui avait été donnée, ou plutôt une déviation du sens qui avait été donné par les gens de la sunna. Raddan ala ahli ta'wil wa tahrif wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Donc à ce moment-là, l'ange de la mort et les anges sont venus autour de cet homme-là qui est en train d'agoniser, et lorsque son âme elle est venue jusqu'à la gorge, donc pour récupérer cette âme-là, tout ça nous on le voit pas, les vivants qui sont autour du mort. Walakin la tubsirun, ça c'est le ma'na ou le sens du verset. Et al-fa'ida ici, beaucoup de savants nous ont dit, lorsque l'âme, elle est, yani muttasil bil badan, on dit nafs. Lorsqu'elle est muttasil bil badan, on dit nafs. C'est-à-dire, lorsqu'elle est encore à l'intérieur du corps, l'âme, et qu'elle n'est pas sortie, ou en train de sortir, lorsque donc elle est fa'bit, elle est bien ancrée dans le corps de l'homme, on appelle ça nafs, l'âme. Taïb. Parmi les versets du nafsi wa ma sawwaha. Par contre, lorsqu'au moment où elle va sortir, et lorsqu'elle sort donc du badan, kharaja min al-badan, ghayr muttasil bil badan, on appelle ça ruh. On appelle ça ruh. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré auprès de Abu Salama, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est mort, Abu Salama était présente, et c'est elle qui nous rapporte ce hadith authentique, fa'armabahu, c'est-à-dire donc qu'il a fermé ses yeux. Il a fermé les yeux de Abu Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit cette parole, inna ruha idha qubida tabi'a wal basar. C'est-à-dire lorsque il a employé le terme donc ruha, au moment donc où l'âme elle est sortie. Donc lorsqu'elle est sortie du corps, on appelle ça ruha. Et lorsqu'elle est à l'intérieur du corps, on appelle ça un nafs. Suivant bien entendu l'explication de certains des savants. Inna ruha idha qubida. C'est-à-dire donc lorsque l'âme, elle est prise, idha qubida. Elle est prise bien entendu par al-malaika tabi'a wal basar. C'est-à-dire que les yeux du mort, ils suivent cette âme-là. Et c'est ce qu'on voit. Lorsqu'on voit donc les yeux d'un mort, on voit qu'ils sont dirigés en haut dans le ciel. Et ils regardent de manière fixe. Taïb. Ça c'est ma'na. Tabi'a wal basar. C'est-à-dire que les yeux, ils le suivent. Cette âme-là, lorsqu'elle est prise par al-malaika. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie donc de la sunnah. Lorsque quelqu'un meurt, c'est de refermer ses yeux. De fermer ses yeux. comme l'a fait le prophète sallam avec Abu Salama, et lorsqu'il a dit inna ruha idha qubida tabi'a al basar falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin falawla in kuntum ghayra madinin. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre? Donc, falawla in kuntum ghayra madinin, pour ce qui est du terme madinin, il y a deux explications des savants. Certains, ils ont dit, ceux qui disent ghayr musta'bidin, c'est-à-dire personne n'a d'autorité sur eux. C'est-à-dire qu'eux, ils croient que personne n'a un sultan, qu'il a donc une autorité sur lui, et qu'ils ne sont pas en réalité des esclaves. Dans les esclaves, il y a l'ab, bima'na l'am, l'ab, l'ubudiya l'amma, bima'na l'ubudiya l'amma. Taïb. Et l'autre sens du terme madinin, yani mujazin, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à rendre des comptes. Ceux qui croient qu'ils n'auront pas à rendre des comptes. Donc ceux qui croient qu'ils n'auront pas à rendre des comptes, ou alors ceux qui croient qu'ils n'ont eu aucune autorité sur eux, que personne n'a eu d'autorité sur eux, qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc Allah Azza wa Jalla ici les défie. Falawla in kuntum ghayra madinin, tarji'unaha in kuntum sadiqin. C'est-à-dire donc, si vous en avez la capacité, alors vous la ferez revenir. In kuntum sadiqin. Ne la faites donc vous pas revenir, donc cette âme, si vous êtes véridique, la faire revenir dans le corps. Et ça, c'est une chose qui est strictement impossible. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla ici, il nous prouve encore. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, après avoir fini d'avoir cité la mort et son état ici, subhanahu wa ta'ala, il va nous rappeler encore les trois catégories qu'on a vues au début de cette sourate, au début du verset de cette sourate. Et il dit فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Donc on a vu donc pour ce qui était de الْمُقَرَّبِينَ et qui sont donc السَّابِقُونَ. Et certains savants donc disent que ce sont ceux qui vont rentrer dans le paradis sans que de compte soit fait. Ils rentreront donc بِغَيْرِ حِسَابٍ. الَّذِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ. Ma'na ar-rawh, comme l'ont expliqué les savants parmi les salaf, ma'na al-istiraha. Al-istiraha. Inam. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne, elle va yastariha. Elle va se reposer. Elle va trouver enfin donc le confort. Farawhun. Ce confort. Elle va retrouver le véritable confort. Et c'est pour ça que dans cette vie d'ici-bas, l'homme, il est dans une lutte qui est permanente. Il n'a pas de confort. Même si c'est une chose qui est totalement relative, lorsqu'on dit le confort, dans cette vie d'ici-bas. Alors que dans l'au-delà, c'est réellement, il prend tout son sens, le confort. Farouhun. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans un verset du Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. C'est-à-dire que nous avons créé l'homme, فِي كَبَدْ, c'est-à-dire فِي مَشَقَّة, فِي تَعْب, فِي نَصَب. C'est-à-dire que la personne, elle est créée dans un état de combat, dans un état de lutte, fima sharqa, donc dans un état de dureté, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, elle doit tout le temps lutter. Il doit tout le temps lutter là, dans cette vie d'ici-bas. Et là, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, à titre d'exemple, il a eu 7 enfants. Parmi ces 7 enfants, il y en a 6 qui sont morts devant ses yeux, qui sont morts alors qu'il était vivant. Et parmi eux, bien entendu, celui qui était en bas âge, Ibrahim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses bras, il a dit Inna al-ayna la tadma, inna al-qalb la tahzan, inna ala firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Lorsqu'il a dit cette parole, l'œil, il pleure, que le cœur, il s'attriste. Inna, que nous sommes très tristes par rapport donc à la firaqika, par rapport au fait de te délaisser ou de te laisser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez cette douleur qu'il a eue par rapport à ses enfants. 6 sont morts d'entre eux. La seule qui est restée après sa mort, c'était Fatima, sa fille Fatima, radiallahu ta'ala anha, qui est morte après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de 6 mois. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui avait informé, qu'il lui avait dit dans son oreille qu'il allait mourir et qu'elle avait pleuré, et qu'ensuite il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle allait rejoindre très peu de temps après, et c'est vrai qu'elle est morte 6 mois après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut également blessé lors de Uhud. Le sang, il a coulé de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa vie de combat. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Et l'imam Ahmed, il disait, rahimallahu ta'ala, لَا رَاحَةَ لِلْمُؤْمِنِ دُونَ لِقَاءِ اللَّهِ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réconfort pour le croyant sans qu'il n'aura rencontré son Seigneur. هَذِي رَاحَةُ الْكُبْرَ. Ça, c'est réellement, pour le croyant, le véritable réconfort qu'il va avoir lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Et celui donc qui va chercher le réconfort, non autre que cela, dans cette vie d'ici-bas, qui recherche uniquement le réconfort, alors il perdra son temps. Il va perdre son temps. Le croyant, il perdra à ce moment-là donc son temps. Le croyant, c'est celui qui attend لقاء الله سبحانه وتعالى. Ensuite يقول سبحانه وتعالى وريحان وجنة نعيم. Donc وريحان, certains ont dit c'est الرزق, et certains ont dit c'est الرحمة. وجنات نعيم, il y a un jardin de délices. وأما إن كان من أصحاب اليمين. Ensuite la deuxième catégorie qui sont les gens de la droite. فسلام لك من أصحاب اليمين. السلام. Et on sait que c'est دار ودار السلام. Le paradis c'est دار السلام. Donc il va de soi que la première parole que vont dire al-malaika, que vont dire donc les anges aux gens qui vont entrer dans le paradis, min ashab al-yamin, fa salamun laka min ashab al-yamin, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin, et donc la dernière catégorie, et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, al-mukaththibin ad-dallin, fa nuzulun min hamim. Donc on a expliqué ce terme qui est revenu dans cette sourate, nuzul, et également le terme hamim. Wa tasliyatu jahim, ils brûleront dans la fournaise. Inna hadha la huwa haqqul yaqin. Allah azza wa jalla, donc pour qu'on ait la certitude, il nous rappelle de par cette parole là, inna hadha la huwa haqqul yaqin, c'est cela la pleine certitude, c'est-à-dire ces paroles et ces versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a ensuite dicté, qui sont venus jusqu'à nous, c'est une parole qui est haqq, c'est une parole qui est une vérité, et cela en toute certitude. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Donc le tasbih, lorsqu'on nous sabbih, nous nazzihu Allahu ta'ala amma la yalaqu bihi, c'est-à-dire qu'on va éloigner Allah Azza wa Jal de tout ce qui n'est pas acceptable pour lui, comme les imperfections, comme les impuretés, etc. Ça c'est ma'na فَسَبِّحْ, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Et celui en réalité qui va faire cela, c'est-à-dire الذي يُسَبِّحْ بِحَقِّ, celui qui va donc glorifier Allah Azza wa Jal, qui va l'éloigner de tout ce qui n'est pas propre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme imperfection, etc. C'est lui en réalité qui va ressentir dans cette vie d'ici-bas at-tuhr, qui va ressentir réellement la pureté, an-naqa, safa, qui va ressentir donc réellement cette pureté. Car on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mahma yaqulun, c'est-à-dire malgré ce qu'ils disent les gens, ne va pas augmenter Allah Azza wa Jal dans sa royauté, ou alors le diminuer dans sa royauté subhanahu wa ta'ala. Mais c'est nous qui vont en profiter, les premiers. Et celui donc, c'est lui qui va réellement profiter de ce tasbih en lui-même, de par son cœur, lorsqu'il va ressentir cette pureté en lui-même. Et ensuite, donc, yaqul subhanahu wa ta'ala, tasbih bismi rabbika al-azim, et donc on finit par ce rappel, et en tant que jeûneur, par ces deux paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, et par lequel l'imam al-Bukhari a terminé son sahih. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam kalimatan khafifatan ala lisan, donc deux mots qui sont khafifatan, qui sont donc légers ala lisan, sur notre langue, c'est-à-dire légers à dire, faqilatan fil mizan, mais qui sont très lourds dans la balance le jour du jugement. Subhanallah wa bihamdi, donc ici est tasbih, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim wa subhanallah العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.